se promène dans sa tête. La fond de mes toilettes, je la scrute d'un regard là. Je la vais chasser de là, c'est l'araignée du matin. Je la tue avec mes chagrins, elle préfère les animaux. Je ne serai pas son Roméo avec ses bas et ses hauts. Mon turco, son paréo, mes scénarios et ses montignons. Elle monte et elle gravit les accidents de ma vie. Je la scrute d'un regard neutre tout en ajustant mon feutre. C'est l'araignée du midi. Je la tue avec mes soucis. Elle préfère les animaux. Pas son Roméo avec ses bas et ses hauts, mon turco, son paréo, ses narines et ses montignons. Elle s'installe et tisse sa toile comme le ciel ses étoiles. Je la scrute d'un œil vengeur et l'écrase d'un doigt rageur. C'est l'araignée de 4 heures. Je la tue avec mon bonheur, elle préfère les animaux. Je ne serai pas son Roméo avec ses bas et ses hauts. Mon surco, son paréo, mes scénarios, ses multimots. Et soudain la nuit se pose, la télé ne montre pas grand chose. Je la scrute sur le carrelage. Elle faisait pas son âge, c'était l'araignée du soir. Je la tue avec mon espoir, elle préfère les animaux. Je ne serai pas son Roméo avec ses bas et ses hauts. Mon surco, son paréo, mes scénarios, ses montignons, la la la la la. Elle préfère les animaux, je ne serai pas son Roméo avec ses bas et ses hauts. Sur coup son paréo.